Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et c'est François Grégoire qui vous parle. Nous allons rester dans l'histoire, celle de la République dominicaine. Et, fait insolite, ce sont des dents sur des squelettes qui apportent un nouveau regard sur la colonisation de cette île. C'est du moins ce que va nous raconter Marie-Claude Dionne. Bonjour Marie-Claude. Bonjour François. Alors, je suis tout d'abord tombée sur un article qui relatait une découverte de 2009 qui me semblait fort intéressante parce qu'il évoque la possibilité d'une présence africaine en Amérique centrale et on parle de plusieurs années avant l'arrivée normale, si on veut, des esclaves au 17e siècle. Et je trouvais que le sujet aussi faisait un peu écho à ce dont j'avais parlé, une chronique que j'ai faite il y a quelques semaines sur le mythe d'un empereur du Mali qui aurait supposément traversé l'océan Atlantique au début du 14e siècle. Oui, en fait, l'article parle d'une étude de l'émail dentaire de trois individus qui ont été pris d'un groupe plus vaste, à peu près une vingtaine de squelettes, il y a près de ça d'une vingtaine d'années, dans le cimetière du site archéologique de la Isabela, en République dominicaine. Et les analyses ont été menées par Douglas Price, un anthropologue de l'Université du Wisconsin, qui cherchait à mieux comprendre qui avait été enterré à cet endroit-là il y a de ça des siècles. Alors, Marie-Claude, commençons par le début. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on a trouvé, en fait, précisément sur ce site? En fait, les restes humains qui ont été étudiés ont été trouvés sans aucun cercueil ou linceul et ils étaient enterrés dans le cimetière de l'église. Et malheureusement, les pierres tombales ou tout autre marqueur qui aurait pu potentiellement identifier les morts ont depuis très longtemps disparu. Donc, on ne connaît pas grand-chose de ces gens-là a priori. Par contre, l'histoire veut que à cet endroit-là, ça aurait été un des premiers lieux colonisés par Christophe Colomb, il y a de ça 500 ans. Donc, ça nous donne une certaine idée de qui aurait pu y être enterré. Et qu'est-ce qu'on connaît alors de ce moment d'histoire? Est-ce que tu peux nous remettre un peu dans le contexte? Oui, en fait, on retourne un peu dans le passé. On est situé au début de l'année 1494 et Christophe Colomb arrive sur l'île d'Hispaniola, qui est aujourd'hui connue comme étant la République dominicaine, et il arrive pour la deuxième fois. Et il va décider de fonder une colonie permanente. L'année d'avant, il avait fait un premier essai de colonisation et malheureusement, ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc, il va nommer la nouvelle colonie, si on veut, la Isabella, qui est en l'honneur de la reine Isabelle de Castille. Okay. Et l'endroit qui est choisi a des terres fertiles, certes, mais il n'est vraiment pas adapté pour cette jeune colonie-là. En fait, il y a un manque d'eau potable. Et le mouillage pour les bateaux, il est vraiment pas favorable, donc c'est pas très pratique. Et en moins de 5 ans, on va choisir un nouvel endroit qui va être un peu plus au sud de l'île et on y fonde la Nueva Isabela. Okay. Et malgré cette petite ou courte existence-là, les historiens et les archéologues croient que la Isabela était un établissement assez important à l'époque qui comprenait une église, des édifices publics comme un hôtel de ville et un entrepôt, des habitations privées et des fortifications. Et ce qui est marquant pour l'histoire, c'est aussi le seul établissement connu en Amérique où Christophe Colomb aurait vraiment vécu. Donc, c'est un site qui est particulier. Le site archéologique en question a déjà fait l'objet d'autres études dans le passé, notamment lorsqu'il a été découvert dans les années 90. Mais la nouvelle analyse qui est proposée par Douglas Price révèle une nouvelle vision des personnes qui ont vécu dans cette colonie et qui faisaient partie, ultimement, de l'expédition de Colomb. Quand on regarde un peu l'histoire, de ce qu'on connaît de la Isabella, c'est que la population aurait été principalement composée d'hommes qui proviennent de la flotte des 17 navires qui sont arrivés avec Christophe Colomb. Mais la première analyse entreprise il y a 2 décennies déjà par une équipe d'archéologues italiens et dominicains va dépeindre une image différente, si on veut. Des 20 squelettes qui ont été trouvés, on note des Espagnols, des indigènes, Taïnos, des hommes et des femmes et des enfants, et peut-être même des individus d'origine africaine. C'est là que ça devient un peu plus intéressant, parce que ça veut dire que ça mettrait les Africains dans le Nouveau Monde en tant que contemporains de Colomb, et ce, bien des décennies avant qu'ils ne soient censés être arrivés comme étant des esclaves. Bien sûr, rien n'empêche que ces individus-là eût été des esclaves, mais au minimum, on repousse de quelques années leur arrivée en Amérique, et c'est là qui fait toute la particularité de cette nouvelle analyse. Alors, quelles sortes d'analyses, justement, ont été faites pour découvrir qui avait été enterré à la Isabella? Alors, l'étude menée par les chercheurs du Wisconsin repose sur l'analyse isotopique de trois éléments. On a l'oxygène, le carbone et le strontium. Mm-hmm. Sont d'ailleurs tous effectués sur l'émail des dents. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'émail dentaire est le matériau ou le plus durable mm-hmm. et le plus stable aussi du corps humain. Donc, il va rester très longtemps sur place. C'est ça. Et il prend la signature, si on veut, de différents isotopes lorsqu'il est en formation. Okay. Donc, en d'autres mots, il est constitué... en fait, ça donne une signature de l'endroit où la personne vivait lorsqu'elle était enfant. Quand ses dents poussaient, quoi. C'est exactement. Ça. Et là, pour mieux comprendre le potentiel des isotopes, voici ce qu'ils peuvent nous dire. Les isotopes d'oxygène nous fournissent des informations sur la consommation d'eau, mais ils peuvent aussi indiquer la localisation où cette eau a été consommée. Okay. C'est là que ça devient intéressant. La composition isotopique de l'eau va changer par rapport à la latitude et aussi à la proximité de cours d'eau. Dans le même genre, les taux d'isotopes du carbone, c'est des preuves assez fiables de l'alimentation du moment où les dents d'adultes vont émerger. Par exemple, les personnes qui vont manger du maïs par opposition à ceux qui consomment du blé ou du riz vont avoir un profil de taux d'isotopes du carbone différent dans leur émail dentaire. Une signature isotopique différente, c'est ça? Exactement. Okay. Dans la même veine, le strontium va apporter aussi cette même caractéristique-là. Le strontium, c'est un produit chimique qu'on retrouve dans le substrat rocheux. Par un processus qu'on appelle la biopurification, elle va engendrer une réduction du taux de strontium au fur et à mesure qu'elle passe à un autre stade. Donc, lorsqu'il passe du sol à l'eau, mm-hmm. et ensuite de l'eau aux plantes, et ainsi de suite jusqu'à l'homme, bien, le taux d'isotope de strontium baisse à peu près de 80 % à chaque étape. Il témoigne mm-hmm. donc aussi de l'alimentation de l'homme. C'est très, très intéressant tout ça. Et en fait, quels ont été les résultats? En fait, les résultats ont toujours pas été entièrement publiés, si on veut, mais dans l'article que j'ai lu, les données préliminaires qui sont obtenues par Price ont donné que les trois des individus dont les dents ont été soumises à cette analyse isotopique-là étaient des hommes de moins de 40 ans et avaient aussi des profils d'isotopes du carbone assez différents du reste. Okay. Et selon l'anthropologue, il pourrait s'agir d'une origine africaine, puisque les signatures isotopiques de carbone représentent vraiment pas celles qui sont d'origine européenne. Okay. Peut-être que Christophe Colomb était parti de l'Espagne avec un ou même plusieurs esclaves africains pour son expédition. C'est possible. Ça pourrait être plausible. C'est sûr qu'on n'a pas vraiment de preuves au niveau de la littérature encore, mais bon, ça reste quand même une possibilité. Cette nouvelle étude-là pourrait peut-être éventuellement signifier que les Africains ont justement joué un rôle beaucoup plus important dans les premières explorations documentées de l'Amérique. Pour ce qui est de l'analyse d'isotopes de strontium, elle n'est pas encore complétée parce qu'il manque en fait un élément. Les échantillons n'ont pas été comparés au taux de strontium en sol espagnol. C'est ce qui nous manque pour contre-vérifier. Mais une fois que cela va être fait, mais là, ça va lever le voile sur l'identité des individus qui ont été enterrés à la Isabella. Parce qu'il faut savoir, c'est que tous les marins qui ont parti avec Christophe Colomb ont été préalablement enregistrés à Séville. Et on a encore ces registres-là? Et on a ces registres. Et à l'intérieur de ces registres-là, on a leur nom, leur âge et leur lieu de naissance avant qu'ils quittent le pays pour savoir. Donc, on les connaît, là. Exactement. Donc, éventuellement, on pourra identifier à une personne près là, les individus qui ont été retrouvés là, sur l'île. Et ce genre d'études-là a des possibilités illimitées d'application. Dans le même genre d'interrogation que l'étude des squelettes d'Hispaniola, il s'avère que les isotopes sont aussi utilisés depuis peu de temps. C'est ce qui m'a surpris pour l'identification de victimes de meurtres. Ah bon, OK. Pour donner un court exemple, il y a une vieille affaire non résolue aux États-Unis qui datait des années 70 qui a bénéficié d'une telle analyse isotopique en 2012. On avait en fait des dents d'une Jane Doe, donc une personne qu'on avait... aucunement une idée de son identification. Mm-hmm. On croyait initialement peut-être qu'elle serait américaine ou amérindienne, mais personne réclamait sa disparition. Il y a une anthropologue légiste qui a signalé, suite à cette analyse-là isotopique, que la femme était plutôt d'origine grecque et qu'elle venait d'arriver au pays, aux États-Unis. Donc, il y a vraiment un grand potentiel là, d'identification avec l'analyse. C'est vraiment très, très impressionnant, effectivement. Ben, comme quoi, les dents ont encore des choses à dire, même après notre mort, finalement. Tout à fait. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci.